je sais, c'est banal tout ce que je te dis. Je rêve de toi, mais c'est pas plus bête que toutes les chansons de Willy. Je rêve de toi, mais tu crois qu'il y croit quand il te parle de ses rêves, Léa. Je rêve de toi, oui bien sûr qu'il est riche et qu'il chante bien mieux que moi. Je rêve de toi, il te parle de symphonie, et moi, je t'ennuie. Je rêve de toi, il ne peut pas y croire qu'il dit ça tombe bien, j'y crois pas non plus. Je rêve de toi. Je sais, c'est étrange que je t'aime comme ça. Je rêve de toi, mais c'est bien plus beau et plus fort que toutes les chansons de Willy. Je rêve de toi, mais tu crois qu'il y croit quand il fait jouer les violons. Je rêve de toi, mais bien sûr qu'il est vieux, tout ridé, mais plus beau que moi. Léa, je rêve de toi, il te parle d'harmonie, et moi toujours, je t'ennuie. Je rêve de toi, il ne peut pas y croire, non, personne ne pourrait croire ça. Je rêve de toi. Je rêve de toi.